Allons, remettez-moi ça. C'est à boire qu'il nous faut. On parle long. Un petit verre, on parle long. Pas de trop. On parle long. C'est à boire qu'il nous faut. On parle long. Il n'y a rien de si beau. On parle long. C'est à boire. On parle long. C'est à boire. On parle long. C'est à boire. De si beau.